Hieronymo Ossa Ossa Ekoron, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, a fait parvenir le 7 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a indiqué que tous les militants et les partisans du Parti démocratique de Guinée équatoriale adressent les félicitations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un, au Parti du Travail de Corée et à tout le peuple coréen, au nom de son Excellence M. Obiang Nguema Mobasogo, fondateur et président du Parti démocratique de Guinée équatoriale, à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Il a de nouveau formulé ses salutations sincères au maréchal Kim Jong-un à cette occasion significative de la journée de la fondation du Grand Parti du peuple coréen.